Merde, il y avait mon micro. J'ai oublié. Bah ouais, c'est normal. Je sais pas faire à manger. Je fais autre chose. Enfin, quand je fais à manger, c'est moins bien. Je croyais que j'avais coupé mon micro. Il raconte sa vie privée et tout. Bon, ben voilà, ma femme s'est fait bouger. Regarde d'eau. Mate un peu la belle nana qui passe sur la plage. Animé aussi. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.